Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, retour sur l'affaire dite du scandale Adidas, résultat de la vente de l'entreprise éponyme par le Crédit Lyonnais en 1993. Un épisode qui s'est traduit par une procédure judiciaire à rebondissement entre l'homme d'affaires Bernard Tapie, ancien propriétaire de l'équipementier sportif, et l'établissement public bancaire Crédit Lyonnais pendant près de 15 ans, avant que ne soit enfin trouvé un arrangement grâce à une procédure d'arbitrage unique en son genre, c'était en 2008. Un arbitrage très nettement favorable à l'homme d'affaires, avec à la clé un joli chèque de 405 millions d'euros, dont 45 millions au titre du préjudice moral. Un demi-milliard d'euros, soit le prix catalogue d'un Airbus A380. Une affaire très sensible, car la procédure judiciaire suit son cours. Nouvel épisode en effet, le 6 mars 2017. Le parquet de Paris demande que Bernard Tapie et 5 autres personnes soient renvoyées devant le tribunal correctionnel pour escroquerie en bande organisée. Après le procès en pénal du 11 mars au 9 avril de cette année 2019, la justice s'est donnée jusqu'au 9 juillet pour dire si Bernard Tapie est coupable d'escroquerie et détournement de fonds publics au sens de l'article 313.1 du Code pénal, autrement dit, coupable d'avoir trompé par l'emploi de manœuvres frauduleuses une personne physique ou morale dans le but de récupérer des fonds, des valeurs ou un bien. Ça ne fait jamais que 26 ans que la justice se donne du temps dans cette affaire. Notre invité aujourd'hui, Laurent Mauduit, journaliste à Mediapart. Il a enquêté sur cette affaire et a couvert la dernière étape judiciaire de ce dossier au tribunal correctionnel de Paris il y a quelques semaines. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Bon, la question c'est simple. Avez-vous reçu le chèque du fisc correspondant à l'arbitrage rendu en votre faveur dans l'affaire Adidas? Vous êtes obsédé. Hein. Vous avez tous un vrai problème avec le... Vous gagnez pas votre vie ou vous avez quelque chose? Adidas vendu 2 milliards de francs. En fait, la société aurait pu en rapporter 4. Mais ça, Bernard Tapie prétend que sa banque le lui a caché. Là pour le sol, il a de la fièvre parce que... Ils m'ont ruiné, humilié. Bonsoir. Un nouveau rôle. La victime de son banquier, le Crédit Lyonnais. Voilà. Journée cruciale pour l'avenir financier de Bernard Tapie. L'ancien patron d'Adidas saura s'il peut légitimement réclamer 1 milliard d'euros au Crédit Lyonnais. Non, mais je vais vous expliquer. Si je venais ici parce que vous avez l'impression que vous allez réussir à faire un numéro qu'aucun n'a fait, vous vous trompez. À un moment donné, ça fatigue son homme. Après 9 ans de procédure, la justice va décider aujourd'hui si la banque a empoché une plus-value au moment de la vente d'Adidas. Même quand on s'appelle Bernard Tapie. Ça fait 15 ans que j'ai raison, ça fait 15 ans que ça vous emmerde que j'ai raison, parce que depuis le départ, vous avez estimé que je vais avoir tort. Voilà. Alors, il faudra vous y faire, vous mourrez avec ça. J'ai gagné 45, plus un peu plus encore. Voilà. Ouais, nanana, pensez pas qu'il y a un moment pour arrêter ce cirque là. En cette veille de week-end et de départ en vacances, le 11 juillet 2008, un communiqué du ministère des Finances rend public une décision d'arbitrage au terme d'une bataille judiciaire qui aura duré près de 15 ans. D'un côté, l'homme aux mille casquettes, tantôt ministre, tantôt grand patron, tantôt président d'un club de football, parfois même occupant tous les postes en même temps. On l'a même vu sur une scène du théâtre et au cinéma, enfin partout où l'on se montre. Patron de gauche, au point de séduire jusqu'à François Mitterrand, qui s'en est servi pour abattre Rocard il y a tout juste 20 ans, il est devenu, sans coup faire rire, un soutien de Nicolas Sarkozy. Peut-être est-il l'un des symboles du délitement de la politique, de la fin des idéologies, de l'opportunisme, de l'argent roi et des années fric. En un mot, commençant, du cynisme sur le fond comme sur la forme. Son comportement face à la journaliste Audrey Pulvar l'a récemment confirmé. Face à lui, dans cette affaire du Crédit Lyonnais, le CDR, le consortium de réalisation, un organe chargé de liquider l'héritage de ce qui était la première banque publique de France dans les années 90, avant qu'elle ne sombre dans le scandale et la gestion calamiteuse, le Crédit Lyonnais. Le pouvoir de dire oui. Et oui. L'affaire, la vente d'Adidas réalisée en 1993, un montage dans lequel Bernard Tapie n'a pas toujours crié à l'escroquerie, mais dont il dit aujourd'hui avoir été floué, avoir été la victime. Tapie l'opportuniste, aurait-il trouvé plus fort que lui dans cette affaire? Il n'est bien sûr pas question ici de refaire l'arbitrage, ni de remettre en cause une décision prise par la justice. Seulement de remettre en perspective cette affaire vis-à-vis de l'enquête qui est en cours et qui incrimine des responsables politiques tels que l'ancienne ministre des Finances, Christine Lagarde, son ancien chef de cabinet, l'actuel PDG d'Orange, Stéphane Richard, ou encore l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Pour comprendre cette histoire, retour en ces années où foot, argent et politique faisaient bon ménage sous la houlette de Monsieur Tapie. Ça, j'en ai rien à foutre, moi j'ai rien à cacher. Ça fait exactement 25 ans que vous me regardez dans le... pour savoir si j'ai un polype. Alors, vous savez, moi... Au début des années 90, Bernard Tapie est à la tête de l'Olympique de Marseille, là où il faut être, un poste très influent. Mais il n'en reste pas moins un businessman, un entrepreneur avide d'investir, y compris là où on ne l'attend pas. Créer l'événement, faire du buzz, passer le plus souvent possible à la télé, éreinter les journalistes, faire le spectacle et faire croire que la valeur argent et business est le nouvel horizon, l'alpha et l'oméga de la modernité. Il va ainsi créer l'événement le 7 juillet 1990 au théâtre du Forum Olympico de Rome où est réunie une foule de journalistes invités par la Fédération Internationale de Football. Nous sommes à la veille de la finale de la Coupe du Monde 1990 qui verra s'affronter l'Allemagne face à l'Argentine du grand Maradona qui a surpris l'Italie à Naples en demi-finale. C'est là qu'il confirme une rumeur qui court depuis quelques jours. Il est sur le point de racheter l'équipementier Adidas. Jusqu'à présent, j'avais trois passions dans la vie et j'étais obligé de m'adresser à des secteurs d'activité différents pour y faire face. C'est le sport, c'est l'économie et c'est la politique. L'économie, bien sûr, puisque c'est une société commerciale. Le sport, parce qu'elle a des relations avec le monde entier, avec toutes les fédérations, avec chacun de ceux qui font de leur vie une vie sportive. Et enfin, la politique, parce que je vois dans la prise de contrôle d'Adidas un symbole très important. Une compagnie française devient majoritaire d'une compagnie leader en Allemagne. C'est la démonstration que nous sommes tous à la recherche d'une Europe forte, sans qu'aucune de ces nations qui y participent, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Allemagne ou la France, essaie de revendiquer un leadership quelconque ou une suprématie quelconque. Et c'est ainsi que Bernard Tapie accompagne son discours de référence haute en couleur. Ici, les questions de l'Europe de demain, le rôle de la France sur cet échiquier, du nécessaire équilibre entre les pays et... bien sûr, de sa fierté à investir dans une entreprise telle qu'Adidas. Mais derrière les images, comme souvent avec Bernard Tapie, il y a une réalité sensiblement différente. Alors ça veut dire quoi ce que vous dites là ? En effet, en 1990, l'équipementier est loin de sa splendeur d'aujourd'hui. Certes, l'entreprise allemande reste le numéro un mondial de l'équipement et du textile, mais son bilan laisse entrevoir une situation plus délicate et des enjeux qui dépassent les simples barrières de l'Europe. Aussi, comme l'explique l'envoyé spécial de France Info, Gérard Cher, l'intérêt de cette transaction pour Bernard Tapie est plutôt de se racheter une image. Adidas est le premier producteur mondial d'articles de sport. Le nom de la marque provient de la contraction du patronyme de son fondateur, Adolf Dassler. Ce pionnier a commencé après la guerre à fabriquer des chaussures de sport et des ballons de foot dans son village de Herzogenaurach, au fin fond de la Bavière. Mais le géant est malade. Ces deux dernières années, son chiffre d'affaires est tombé de 4 milliards de marques à 3,2 milliards. Si Bernard Tapie a racheté une entreprise en mauvaise santé, il a également racheté une image de marque qui vaut de l'or. Adidas est présent dans toutes les compétitions sportives, du Mondial et aux Jeux Olympiques. Puisque les maillots sont Adidas, les chaussures sont Adidas, les arbitres sont Adidas, les ballons aussi. Et j'ai su que le sifflet de l'arbitre n'était pas Adidas. Ce qui est sûr, c'est que ce sera quand même Adidas qui gagnera demain. Un changement d'image qui nécessite tout de même un prêt bancaire de 1 milliard et 600 millions de francs. Ainsi, pour réaliser cette énorme transaction, va-t-il convaincre sa banque, la Société de Banque Occidentale, SDBO, une filiale du Crédit Lyonnais, de financer à 100% l'opération de rachat d'Adidas. La banque, que dirige alors Jean-Yves Haberer, un proche du président Mitterrand, accepte. Tapie, la banque, l'Elysée, Adidas devient un billard à trois bandes. Pour l'équipementier version Tapie, l'heure est à la restructuration, délocalisation et au coût marketing. À l'image de ce spot diffusé sur les télés du monde entier en 1991 qui vante la marque comme étant la nouvelle référence en la matière dans le sport. Jouer. Se dépasser. Vibrer. Adidas. L'essentiel du sport. Pour l'équipementier sportif, cette révolution managériale s'accompagne d'un changement marketing. Le mythique logo en forme de fleur de lotus est abandonné, place aux trois bandes plus modernes, encore utilisées sur les vêtements de la marque aujourd'hui. Les réformes engagées sont lourdes et coûteuses. Aussi, les comptes de l'entreprise Adidas restent déficitaires durant les deux premières années et Bernard Tapie ne peut pas rembourser sa banque, la SDBO. Conséquence directe, il doit rétrocéder 45% de ses parts dans Adidas à un conglomérat de banques, Crédit Lyonnais, BNP, AGF et à une entreprise privée, Pentland. Bernard Tapie n'est donc plus le seul maître à bord chez Adidas. Il ne possède plus que la moitié de l'équipementier sportif. Mais en ce début d'année 92, l'homme d'affaires est déjà loin de l'entreprise aux trois bandes. Il a la tête ailleurs, la tête à Paris. Paris où, en ce mois d'avril, on annonce le nouveau gouvernement de Pierre Bérégovoy. Bonjour. Vendredi 3 avril, c'est finalement à 11h moins le quart, hier soir, qu'a été présenté le nouveau gouvernement conduit par Pierre Bérégovoy. L'entrée la plus remarquée est celle de Bernard Tapie, nommé ministre de la Ville. Jacques Lang s'occupera de la culture et de l'éducation. C'est une équipe resserrée et rajeunie, mais composée presque exclusivement de socialistes. Michel Sapin devient ministre des Finances, Michel Vauzelle est nommé garde des Sceaux, et c'est Ségolène Royal qui remplacera Brice Lalonde à l'environnement. Voilà plusieurs années que Bernard Tapie rêvait de mettre un pied en politique. Il se lance alors dans la bataille pour les législatives de 1988. À droite, malgré les premiers soutiens, on lui a très vite barré la route. Alors, il endosse le chasuble de candidat de gauche, étiqueté majorité présidentielle. Et c'est dans une circonscription où on l'annonce d'avance perdant qu'il va créer la surprise et se faire élire à Marseille. C'est d'ailleurs le président de la République lui-même qui va demander à son nouveau Premier ministre, Pierre Bérégovoy, de l'inclure dans la liste de son gouvernement, dans un ministère dit « transversal ». En tout cas, à sa mesure, c'est le super ministère de la Ville. Bernard Tapie en est très fier, mais il est aussi conscient que ce nouvel habit qu'il enfile l'oblige à une concession notable, s'éloigner du monde des affaires et donc d'Adidas. Il s'en explique sur France Inter. Les activités professionnelles sont totalement incompatibles. Donc on avait prévu ça déjà pour l'éventualité de la présidence du Conseil régional. C'est, pour ce qui concerne toutes les activités liées à Adidas, c'est Gilbert Beau qui assurait déjà une bonne part de ses responsabilités, qui va les prendre sous sa responsabilité personnelle. Et voilà, je vais pouvoir me consacrer complètement à mon nouveau métier. En gardant quand même un peu de temps pour l'OM tout de même. Dans les semaines qui suivent, Bernard Tapie nomme Gilbert Beau, effectivement, pour le remplacer à la tête d'Adidas. Mais l'expérience ministérielle va être de courte durée, car le 3 juin, il est pris dans l'affaire Tranchant, du nom de ce député RPR qu'il accuse d'avoir abusé de biens sociaux dans l'entreprise dans laquelle il était associé et qui distribue alors les produits de la marque Toshiba en France. La justice rend un non-lieu et en décembre 1992, Tapie peut réintégrer le gouvernement. Mais il y a toujours ce même préalable, on ne peut pas être à la fois au gouvernement et dans le business. Pour Bernard Tapie, le prétexte est idéal pour revendre en vitesse et sans ternir son image, le groupe Adidas. C'est même une aubaine, car depuis le rachat de l'entreprise en 1990, le groupe Bernard Tapie est incapable de rembourser l'énorme emprunt qu'il a contracté, et Adidas est devenu un gouffre financier. Deux ans après le rachat, l'équipementier n'est toujours pas rentable. Frappe alors à la porte de Bernard Tapie au mois de juillet 92, le groupe Pentland, propriétaire de la marque Reebok et déjà actionnaire à hauteur de 20% dans Adidas. Le groupe écossais est prêt à racheter les parts de Bernard Tapie. Alors que tout laisse penser que la transaction devrait se finaliser dans les prochains mois, en octobre, Pentland crée la surprise et retire son offre d'achat. Aujourd'hui, Adidas est toujours entre les mains de Bernard Tapie. Pentland a regardé d'un peu plus près les comptes de la société allemande qui contrôle la marque aux trois bandes. Après une période d'observation de trois mois, Pentland affirme avoir découvert des problèmes qu'il ignorait auparavant. Il annule donc la transaction annoncée en juillet pour un montant de 2 milliards de francs. Côté Bernard Tapie Finance, on affirme que Pentland avait des exigences inacceptables, comme par exemple des réductions de prix. Selon les Français, l'attitude du groupe britannique est totalement incorrecte. Adidas retourne donc dans le giron de Bernard Tapie Finance. C'est la deuxième vente ratée après la vie claire qui n'a toujours pas trouvé d'acheteur. Là encore, la transaction avait été annoncée puis annulée à cause d'un conflit persistant avec Pierre Botton, le candidat au rachat. Les comptes de la société sont déliquescents, qu'à cela ne tienne. Gilberte Beau, directrice de Bernard Tapie Finance et du directoire d'Adidas, affirme à qui veut bien l'entendre que l'équipementier reste une bonne affaire. Le tirelire d'Adidas représentera entre 900 et 1 milliard de francs après remboursement de tout endettement. C'est-à-dire que je crois qu'au moins, l'annonce de cette opération va mettre un point final, je l'espère en tous les cas, à tout ce que l'on a pu lire à droite et à gauche sur les problèmes financiers Bernard Tapie. Elle ne convainc personne. Et pourtant, il y a urgence pour l'ancien ministre de la Ville à se séparer d'Adidas. Jusqu'à maintenant, sa banque, la SDBO, s'est montrée bienveillante avec lui, et bien qu'il ne puisse toujours pas rembourser les 1,6 milliard qu'elle lui a prêté depuis 2 ans déjà. Elle dispose même d'un nantissement sur les titres d'Adidas et pour le faire jouer, vu l'incapacité persistante de son client à rembourser. Alors pourquoi tant de clémence et d'indulgence? Dans les milieux financiers, il se dit qu'à la direction du Crédit Lyonnais, entreprise publique, rappelons-le, à cette époque, on ne veut pas faire de vagues avec ce visiteur du soir de l'Élysée, donc proche du président. Décembre 92, incapable de trouver un acheteur qui mène une transaction à terme, et surtout, sachant qu'il va très vite redevenir ministre, Bernard Tapie demande alors à sa banque, la SDBO, d'organiser la vente d'Adidas. Il signe une lettre de mandat et une lettre d'engagement dans lesquelles il prend la décision irrévocable de vendre au plus tard, le 15 février 1993, ses titres Adidas à toute société désignée par la SDBO. C'est cette lettre mandat qui va être le point de discorde et surtout qui sera à l'origine de toute l'affaire Tapie Crédit Lyonnais. C'est terrible de dire ça, mais c'est la vérité. Pourquoi ? Jamais, pas une seule fois. Elle aussi, elle peut se tromper. Non, pas du tout. Pourquoi ? Ce qui n'était jamais le cas. Quand on fait des fautes, on fait des choses bien, on fait des choses moins bien. C'est le lot de tous les gens qui font des choses. Qu'est-ce que vous avez à être obsédé avec cet argent ? Sensible sur France Inter aujourd'hui, l'affaire Tapie, Adidas, Crédit Lyonnais. Au début de l'année 93, les choses semblent s'arranger pour Bernard Tapie. Il est réintégré dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy comme ministre de la Ville. Du côté d'Adidas aussi, la situation semble s'améliorer. Le 12 février 1993, 3 jours avant l'échéance prévue dans le mandat que Bernard Tapie a signé avec la SDBO, la vente d'Adidas est bouclée. De nouveaux investisseurs se sont mis autour de la table. Parmi eux, Robert Louis Dreyfus. Voici le nouveau patron d'Adidas, Robert Louis Dreyfus, 47 ans. C'est lui qui conduira le groupe de repreneurs français. Un tour de table où l'on retrouve surtout des sociétés nationalisées, le Crédit Lyonnais, les AGF et l'UAP. Bernard Tapie se débarrasse donc enfin d'Adidas. L'affaire de sa vie, disait-il en 1990. Et il obtient la somme qu'il demandait, un peu plus de 2 milliards de francs. Un prix que l'anglais Pentland avait trouvé excessif lors de la vente ratée en octobre dernier. Aujourd'hui, l'opposition estime que le ministre de la Ville réalise là une trop belle opération. Le député François Daubert souhaite une enquête parlementaire sur les conditions de vente d'Adidas, début de polémique. Des sociétés nationalisées. Aïe, dans le giron de l'État. D'où le soupçon d'arrangement autour de cette affaire entre les pouvoirs publics et le ministre de la ville, histoire de trouver une issue à la vente de l'équipementier sportif. Robert Louis Dreyfus va prendre progressivement la tête de l'entreprise. Montant total de la transaction, 2 milliards à 85 millions de francs. Tapie reçoit alors le montant prévu et ne conteste pas la vente. Fait étonnant, deux fonds financiers offshore, qui n'ont donc pas de résidence légale en France et qui sont contrôlés par de grands groupes financiers anglo-saxons, font leur apparition dans ce montage. À eux deux, ils rachètent près de 35% du capital d'Adidas. Ce sont ces mêmes fonds qui, on va le voir, vont se retrouver au cœur du conflit qui, quelques années plus tard, va opposer la banque publique à l'homme d'affaires. Comme on l'a vu, la banque qui a financé l'investissement de Bernard Tapie pour acheter Adidas est la SDBO, filiale à 100% du Crédit Lyonnais. Or, en novembre 1993, éclate l'affaire du scandale des investissements et des déficits du Lyonnais. On parle alors de montage douteux et de pertes sèches. Le président de la banque, Jean-Yves Haberer, est démis de ses fonctions. Jean Perlevade le remplace dans la foulée. Il constate alors une situation catastrophique. Ce que je n'avais pas mesuré, c'était à quel point certains des dossiers qui étaient traités dans les filiales que vous connaissez, SDBO, Altus, etc., étaient, comment dire, mal montés. La SDBO, Société de Banque Occidentale, c'est justement la filiale qui a accordé le prêt à 1,6 milliard à Bernard Tapie en 1990 pour le rachat d'Adidas. Rappelons-le, car l'affaire n'est pas forcément facile à suivre. En 1994, Bernard Tapie doit encore 1 milliard de francs à l'établissement bancaire. Et pour le nouveau président de la banque, il devient de plus en plus nécessaire de clarifier la situation de ce client si souvent sous le feu des projecteurs. La banque va donc prendre des garanties sur les biens personnels de Bernard Tapie, notamment sur son hôtel particulier rue des Saints-Pères à Paris. Après s'être accordé avec l'homme d'affaires sur un protocole commercial qui en 4 ans doit lui permettre de rembourser ses dettes, la banque va finalement dénoncer l'accord car celui-ci ne réalise pas les expertises demandées. C'est cette décision qui conduit à la mise en faillite du groupe Bernard Tapie. Celle-ci intervient le 14 décembre 1994. Dans les jours qui suivent, Robert Louis Dreyfus prend le contrôle d'Adidas au terme d'une opération qui valorise le groupe alors à plus de 4 milliards de francs, le double du prix auquel Bernard Tapie l'avait vendu quelques mois plus tôt. De là va naître, pour les avocats de l'homme d'affaires, d'énormes soupçons. On peut estimer qu'à un moment donné, ça fatigue son homme, même quand on s'appelle Bernard Tapie. Je vous remercie. Mais pour l'instant, Bernard Tapie est bien occupé et Adidas n'est pas une priorité. Il est alors embourbé dans le scandale OMVA qui l'éclabousse pour complicité de corruption et de subornation de témoins dans une affaire où l'OM a, selon la justice, acheté le résultat du match de championnat entre l'Olympique de Marseille et le club de Valenciennes. Le 15 mai 1995, Tapie, qui aura décidément tenté toutes les expériences, est condamné à 2 ans de prison ferme. Il en purgera 8 mois. C'est en juillet 1995, quelques semaines après avoir été condamné par la justice, que Bernard Tapie monte pour la première fois au créneau contre le Crédit Lyonnais. Il veut dénoncer l'escroquerie dont il se dit être la victime dans la cession d'Adidas. Il faut dire qu'à ce moment, la société qu'il a fait vendre par le Crédit Lyonnais en 93 est valorisée à 11 milliards de francs à la bourse. Rien d'anormal, hein, cela dit, dans le milieu des affaires. Adidas s'est parfaitement redressé, donc... C'est une pleine réussite commerciale, c'est une affaire en or pour le nouveau président de l'équipementier sportif, Robert Louis Dreyfus. Pour Bernard Tapie, c'est plutôt la poule aux œufs d'or qui s'est jetée dans les bras d'un autre. Alors Tapie engage une première procédure judiciaire contre le Crédit Lyonnais, donc le CDR, le consortium de réalisation, une structure chargée par l'État depuis la faillite de la banque en 1994 de liquider les actifs douteux. Le 7 novembre 1996, le tribunal de commerce de Paris reconnaît que l'homme d'affaires a subi un préjudice. Ce matin, les magistrats ont demandé à la SDBO, filiale de la banque, de constituer une provision de 600 millions de francs en faveur des liquidateurs du groupe Tapie. Une très grosse somme, plus de la moitié de ce que l'ex-homme d'affaires doit à sa banque. Et une décision rare. Les juges estiment que la filiale du Crédit Lyonnais a pris des risques excessifs et conscients dans sa gestion du dossier Tapie, un comportement condamnable. Mais cette mesure conservatoire n'est pas une condamnation définitive. Avant de se prononcer, le tribunal va maintenant attendre les conclusions du juge Eva Joly, qui enquête sur la même affaire. Bernard Tapie, qui n'était pas présent ce matin au tribunal, a exprimé sa satisfaction. Il ne désespère pas, dit-il, de prouver un jour qu'il n'a jamais coûté un sou aux contribuables. Au cœur de l'affaire, il y a donc ce fameux mandat par lequel Tapie avait chargé sa banque de vendre la totalité de ses parts dans Adidas pour un montant minimum de 2,85 milliards de francs, et le tout avant le 15 février 1993. Ce que fait la banque pour le montant déterminé, trois jours avant la date butoir, Bernard Tapie ne conteste pas. Seulement derrière cette vente réalisée sur mandat par le Crédit Lyonnais, les avocats de Bernard Tapie affirment qu'en réalité, le comportement de la banque n'a pas été très net. S'appuyant sur les spécificités du droit des affaires, ils estiment que la SDBO, donc le Crédit Lyonnais, doit être condamnée pour le montage financier qu'il a réalisé lors de la transaction. La banque n'aurait pas agi dans l'intérêt de son client et ne l'aurait pas informé de la possibilité de vendre plus cher. Là est le fond de l'affaire. Par ailleurs, les avocats de Bernard Tapie affirment aussi que derrière l'acquisition réalisée par Robert Louis Dreyfus se cache en réalité un prêt de la SDBO, la société qui a prêté à Bernard Tapie et qui est chargée de concrétiser la vente. Pour eux, la banque investit elle-même via des fonds offshore en même temps qu'elle vend l'entreprise pour l'ancien ministre de la Ville. La nouvelle direction du Crédit Lyonnais nie en bloc. Le Crédit Lyonnais était une banque publique, mais qui faisait son métier comme une banque privée. 9 ans après la première procédure, une première tentative de médiation entre Bernard Tapie et l'État échoue en 2004. Le 30 septembre 2005, la Cour d'appel de Paris rend un arrêt qui condamne le Crédit Lyonnais à verser des indemnités records à Bernard Tapie pour un montant de 135 millions d'euros. Pour les avocats de l'homme d'affaires, la justice réhabilite enfin leur client. Pour moi, c'est une étape décisive. C'est une étape décisive parce qu'au-delà des chiffres, pour tenir les principes, c'est on est sorti de la liquidation, les dettes sont payées. Toutes les dettes sont payées et la faute de la banque est reconnue. Mais comme dans cette affaire, rien n'est vraiment simple, un an plus tard, le 9 octobre 2006, la Cour de cassation saisie par le gouvernement casse partiellement l'arrêt de la Cour d'appel. Si elle juge recevable la plainte de Bernard Tapie, elle affirme qu'il est inconcevable que celle-ci soit adressée à l'encontre du Crédit Lyonnais car c'est la SDBO qui était liée par mandat à Bernard Tapie. Or, la SDBO est une filiale à 100% du Crédit Lyonnais, allez comprendre. Nous sommes face à une procédure qui dure depuis près de 13 ans et dont l'arrêt de la Cour de cassation renvoie à une échéance de 5 à 10 ans pour qu'elle soit rejugée et enfin validée. Ce qui n'arrange absolument pas Bernard Tapie et ses avocats. Ceux-ci vont alors tout miser sur un arbitrage qui serait saisi de l'ensemble du dossier et qui permettrait une bonne fois pour toutes de régler cette affaire. Commence alors la partie la plus troublante de toute l'histoire. Une partie de poker menteur dans laquelle interviennent des hommes politiques de haut rang. 2 mois après l'arrêt de la Cour de cassation, le président du CDR, un farouche opposant à l'arbitrage, démissionne. Il laisse sa place à Jean-François Rocky, qui va très vite se révéler beaucoup plus ouvert à l'idée d'un arrangement avec Bernard Tapie. Et puis il y a cette réunion dans un hôtel chic à Agadir, à Noël en 2006, réunion évoquée par Mediapart, où Bernard Tapie et son avocat se retrouvent avec le Gotha de l'UMP. Jean-François Copé, ministre du Budget à l'époque, Brice Hortefeux, compagnon de route du candidat à la présidence, Nicolas Sarkozy. Selon la même source, on y parle bien sûr de politique et de l'élection présidentielle à venir, mais aussi du soutien que pourrait y apporter Bernard Tapie. Dans les semaines qui suivent, nous sommes alors en pleine campagne présidentielle, le 29 avril 2007, l'avocat de Bernard Tapie reçoit un fax signé de l'ex-président de l'association des petits porteurs de Bernard Tapie Finance, document révélé par le site d'information Mediapart, où il est dit « Selon les informations que j'ai glanées auprès de Marie Dany » Oui, il est question ici de l'associé de l'avocat du président du consortium de réalisation de l'OCDR. « Mardi 24 écoulé, tu aurais conclu un accord avec M. Rocky et ses avocats à hauteur de 274 millions d'euros au profit de Bernard. » Ce document est un élément troublant qui vise à démontrer qu'avant même l'énoncé de l'arbitrage qui n'interviendra qu'en juillet 2008, le résultat est connu d'avance. Le 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Ça y est, les Français ont tranché. Voici le résultat de notre estimation Ipsos Del. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Résultat salué par une ovation de ses supporters salgavés. Nicolas Sarkozy, élu, Jean-Louis Borloo devient ministre des Finances du gouvernement de François Fillon. Ce même Jean-Louis Borloo qui, durant les années 80, était l'avocat d'un certain Bernard Tapie, qui se retrouve avec assiduité invité à la table des petits déjeuners organisés quai de Bercy au ministère des Finances, tout comme il est le bienvenu, et ce à plusieurs occasions, à l'Élysée pour rencontrer Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et François Pérolle. Ce qui se dit, ce qui s'échange lors de ces conversations ne fuite pas, mais la presse soupçonne des négociations entre l'homme d'affaires et les représentants de l'État pour trouver une sortie de crise à l'affaire Adidas. Mais au même moment, consigne est donnée par le ministre des Finances, Jean-Louis Borloo, à son directeur de cabinet, Stéphane Richard, actuel PDG d'Orange, de préparer un arbitrage sur l'affaire. Après les législatives, Christine Lagarde prend la tête du ministère des Finances. Les tractations dans le but de préparer un arbitrage continuent. Au mois d'août de la même année, le patron de l'Agence des participations de l'État, l'APE, chargé des investissements dans les établissements publics, Bruno Bézard, met en garde Christine Lagarde concernant un éventuel arbitrage. Mais à la rentrée de septembre, à Bercy, Stéphane Richard, chef de cabinet de la ministre, organise déjà des réunions entre l'APE et le fameux CDR pour lancer la procédure. Dans les semaines qui suivent, le CDR valide un compromis qui d'ailleurs ne sera pas celui que signera son président le 16 novembre. Enfin, le 7 juillet 2008, les trois arbitres de la commission annoncent leur décision. Ils allouent 405 millions d'euros de dédommagement à Bernard Tapie, dont 45 au titre de préjudice moral, du jamais vu. Quand on sait par exemple que Patrick Dils, après plus de 10 ans de prison reconnu comme étant une erreur judiciaire, n'a touché que 700 000 euros. L'annonce de la commission d'arbitrage est rendue publique le 11 juillet, veille du week-end. Alors que l'État et le CDR peuvent demander un recours pour annuler la sentence, la ministre des Finances, Christine Lagarde, s'y oppose. Entendu par la commission des Finances de l'Assemblée, l'homme d'affaires et la ministre nient toute forme de manipulation. Quelques semaines plus tard, alors que tout semblait enfin réglé dans un dossier qui dure depuis 15 ans, rappelons-le, l'un des juges de la procédure d'arbitrage, Pierre Estoupe, est accusé d'avoir manqué à ses obligations d'indépendance. Il lui est reproché de ne pas avoir signalé ses relations anciennes avec Maurice Lantourne, l'un des avocats de Bernard Tapie, avec lequel il a déjà travaillé sur d'autres dossiers. Il est mis en examen alors que deux autres juges, Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel, et l'avocat Jean-Denis Bredin, ont été placés sous le statut de témoin assisté dans l'enquête sur la probité de l'arbitrage. Les événements restent là jusqu'en août 2011, jusqu'à ce que la Cour de justice de la République ouvre une enquête qui vise Christine Lagarde pour complicité de détournement de fonds publics. Enfin, le 18 septembre 2012, soit 4 ans après l'arbitrage, une information judiciaire est ouverte pour faire la lumière sur ce dossier. Les policiers de la brigade financière vont alors mettre en examen de nombreuses personnalités, dont Bernard Tapie lui-même, tout comme son avocat, l'ancien chef de cabinet du ministère des Finances, Stéphane Richard, et même l'ancienne ministre des Finances, Christine Lagarde. Voilà, depuis, l'État a lancé une procédure de recours pour une révision de l'arbitrage. Les biens de Bernard Tapie ont été saisis. La justice, comme on dit, suit son cours. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Notre invité, Laurent Mauduit, bonjour. Bonjour. Vous avez été journaliste dans plusieurs quotidiens, Libération et Le Monde. Et vous êtes cofondateur de Mediapart, où vous écrivez et enquêtez sur l'affaire Tapie. Vous faites pas que ça, mais vous enquêtez sur l'affaire Tapie depuis le début, puisque finalement avec Libé, Le Monde, vous avez commencé. Dès 92-93, oui. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres, dont Tapie, le scandale d'État en 2013, et plus récemment la caste, enquête sur la haute fonction publique. Nous allons ensemble essayer de parcourir et de comprendre depuis le début cette affaire complexe. Alors, le récit avait cette vocation-là, évidemment, mais d'un point de vue factuel, on va aller un peu plus loin. Alors, aujourd'hui, 8 mai 2019, y a-t-il des coupables, des responsables, et surtout, y aura-t-il une fin? Parce que c'est quand même, c'est une façon de poser la question, parce que forcément, il y aura une fin. Mais quand? La justice n'arrête pas de prendre son temps. Oui, alors, pour simplifier une histoire qui est affreusement complexe, embrouillée, emmêlée, face à la justice, il y a plusieurs procédures. Il y a une procédure civile, en clair. La procédure civile, c'est est-ce que le Crédit Lyonnais, en 1993, on vient d'en refaire le récit, a floué son client, Bernard Tapie, pour la vente d'Adidas. Donc, vous connaissez l'histoire. Ah oui. La procédure dure, ça va en cours d'appel en 2005, cours de cassation en 2006. Et là, juste au moment où l'État est en passe de gagner, hop, l'arrangement. Stop, 2007, Nicolas Sarkozy dit on arrête le cours de la justice ordinaire, celle de la République, et on passe à une justice privée. Et puis, en fait, on va découvrir que l'arbitrage aura été frauduleux, l'arbitrage qui donne 404 millions d'euros à Tapie. Et donc, l'affaire reprend, la justice se ressaisit de cette question. L'arbitrage est annulé en février 2017. Oui. Et donc, du coup, la Cour d'appel de Paris rejuge, 2015, rejuge en décembre 2015, au fond, est-ce que le Lyonnais a filouté son client? Et là, la réponse est claire et nette, et c'est la dernière réponse, non. Tapie n'a jamais été filouté par sa banque. Il fera des recours en cour de cassation, recours qui sont rejetés. Donc ce premier vœu de l'affaire est judiciairement établi. La banque n'a jamais filouté son client. Ça, c'est réglé. Alors Tapie l'oublie tout le temps, il s'en arrête quand on l'interroge à la radio, à la télé, il revient. C'est le combat de sa vie, c'est son obsession. Mais voilà, au plan civil, il n'a pas rendu l'argent. Ça, c'est un autre petit volet de l'affaire, parce que le tribunal de commerce de Paris s'est très mal comporté. Si vous voulez, on pourra en parler ultérieurement. Le second grand volet, c'est assez simple, c'est le volet pénal. C'est que, du même coup, je vous l'ai dit, l'arbitrage a été frauduleux, l'arbitrage de 2008. Tapie a touché 404 millions d'euros de manière indue, ouais, par une fraude. Mais le droit français est fait ainsi que une fraude au plan civil n'est pas forcément constitutive d'une escroquerie au plan pénal. Et donc, la justice a été saisie pour savoir si c'était une escroquerie. Donc, sur le plan pénal. Au plan pénal. Et l'enjeu du procès qui a eu lieu, c'est le mois passé, avait cela pour enjeu. Non pas de refaire le match de la vente d'Adidas. Bien. Le match n'existe plus, il est fini. L'arbitre a donné le résultat. C'était pour savoir s'il y avait eu une escroquerie. Et donc là, l'affaire est très compliquée et je trouve, pour le journaliste que je suis, la façon dont les choses se sont organisées est assez décevante. Parce que pourquoi je dis décevant? On a envie, à la fin de l'histoire, qu'il y ait une sorte de vérité judiciaire qui sort. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a eu une escroquerie? Est-ce qu'il y a eu une bande organisée pour organiser l'escroquerie? Et qui sont-ils? Alors, au bout du compte, c'est l'enjeu du dernier procès, donc. Au pénal, du 11 mars dernier, au 9 avril dernier, quel était-il, celui-là, précisément? C'était celui que vous... C'était... La question que vous venez de poser. Est-ce que oui ou non, il y a eu... Alors, avant le procès, pour le préparer, il y a eu donc une période d'instruction. Il y a eu une première déception pendant l'instruction. C'est qu'au tout début de l'instruction, elle commence en septembre 2012, et les premières mises en examen, en 2013, se font sous la qualification d'escroquerie en bande organisé. Oui. Donc il y a une bande organisée. Et donc, assez vite, on se dit, dans la bande organisée, il y a sans doute Tapie, son avocat, un arbitre, le fameux arbitre Pierre Estoupe, dont on a beaucoup parlé. Mais pour arrêter une procédure judiciaire ordinaire, il faut qu'il y ait eu des complicités au sein de l'État. Qui a donné ordre à ce que la procédure judiciaire ordinaire s'arrête? Est-ce que c'est Claude Guéant? Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy? Alors, il y a une première déception dans l'instruction, c'est que le juge d'instruction n'a renvoyé que Tapie, son avocat, Pierre Estoup, le Stéphane Richard, l'actuel patron d'Orange, qui était à l'époque des faits directeur de cabinet de la ministre des Finances, mais il n'a pas renvoyé Claude Guéant, qui avait été mis sous le statut de témoin assisté, mais il n'a pas été renvoyé, et encore moins Sarkozy. Les juges ont convoqué Sarkozy pour l'entendre. Oui. Sarkozy a dit non, je ne viendrai pas, et les juges n'ont pas diligenté la force publique pour le faire venir devant eux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va entendre l'avis de votre confrère et collègue de Mediapart, Fabrice Arfi, ce qu'il en disait il y a 2 ans. Écoutez. On voit que Nicolas Sarkozy, depuis qu'il a quitté la présidence de la République, a mis en place une sorte de cabinet noir grâce à de nombreuses taupes dans l'appareil d'État qui l'aident en lui donnant de manière illégale des renseignements sur des enquêtes en cours pour neutraliser l'action des juges d'instruction qui mènent des investigations sur des affaires qui menacent l'ancien président. Tout ça nous montre quoi ? Nous montre une immense panique du clan Sarkozy sur des affaires qui sont aujourd'hui nombreuses. Il y a eu l'affaire Bettencourt, mais il y a encore l'affaire Libyenne, il a l'affaire Tapie, l'affaire des sondages, qui montre une immense panique, inquiétude de Nicolas Sarkozy, qui officiellement se dit serein. Donc ce que l'on voit aujourd'hui grâce à la teneur de ces écoutes, on est littéralement face à un scandale d'État, puisqu'on découvre un complot contre l'État de droit, contre l'institution judiciaire, organisé de manière méthodique par l'ancien président de la République et quelques-uns de ses amis et collaborateurs. Laurent Mondouille. Ah, je vais pas contredire mon confrère, Fabrice. Belle synthèse, hein. Un excellent confrère. Ah oui, c'est une bonne synthèse parce que, toute l'histoire Tapie se résume depuis 10 ans. À une manipulation de la justice. Hein, si on prend l'affaire Tapie comme une sorte de miroir des dysfonctionnements de notre démocratie, la première image qu'on voit, c'est que la justice a été manipulée. Donc pas indépendante. Mais, voilà. Et donc, le fait qu'il pointe la responsabilité de l'Élysée est exact. Dans l'affaire Tapie, je peux le documenter. J'ai assisté à une audience au tribunal de commerce sans le parquet. Vous savez que le parquet est là pour défendre l'intérêt général et veiller au respect de la chose jugée. Le parquet avait reçu l'instruction venant de l'Élysée de ne pas venir à l'audience du tribunal de commerce pour que les intérêts de Tapie prévalent. Donc moi, je l'ai souvent documenté, cette histoire-là. Alors maintenant, l'autre question qu'on peut se poser, quelles sont les raisons de cette manipulation, apparemment confirmée en 2008? Qu'est-ce que c'est que ce recours à une justice privée? Et surtout, pourquoi? Parce que l'idée, c'est que Tapie apparaît totalement protégé par le pouvoir en place à ce niveau-là, à ce moment-là, en 2008. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a gagné le pouvoir à protéger Tapie? Écoutez, c'est ça l'aspect très décevant du procès qui a eu lieu, c'est que le procès, normalement, aurait dû permettre d'établir une vérité judiciaire pour juger pas seulement ceux qui ont fraudé l'arbitrage, mais pour juger ceux qui ont les commanditaires de l'arbitrage. Qui l'ont mis en place, voilà. Donc pour répondre à la question que je pose. Or je vous l'ai dit, Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, c'est dans son bureau que la décision de l'arbitrage a été prise. Lui n'a pas été renvoyé, et Sarkozy encore moins. Donc, ce qui est très décevant, c'est que la justice n'a pas essayé d'établir cette vérité-là. Donc, je ne peux que vous livrer mon intuition comme journaliste, comme enquêteur. C'est qu'il y a eu, évidemment, une contrepartie. On ne prend pas un risque à 404 millions d'euros sans une contrepartie. Donc, il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse la plus simple, c'est Nicolas Sarkozy n'est pas assuré de sa victoire en 2007. Or, on sait que certaines de ces campagnes ont été corrompues, qu'on fait l'histoire libyenne, c'est un autre aspect des choses. Mmh. Et donc, il est très attaché à toutes les aides qu'il peut avoir. Et c'est vrai que le renfort de Tapie qui, en janvier 2007, appelle à voter pour lui, ça compte. Hein, Tapie sort, avait été auréolé dans le passé d'un score très fort aux européennes. De 2014. 1994. Il avait servi de torpille anti-Rocard, manipulé par Mitterrand. 1994. Voilà. Ça, c'est l'une des hypothèses, la plus soft. Il peut y avoir une autre. C'est est-ce que il n'y a pas eu de l'argent apporté à Sarkozy? Alors, je le dis, je ne l'ai pas documenté, je n'ai pas la preuve, mais il y a un mystère dans cette histoire à l'origine, au moment de la cession d'Adidas. Il y a deux fonds qui participent autour de table que crée le Crédit Lyonnais pour racheter Adidas à Bernard Tapie. Les deux fonds offshore. Or, l'argent des deux fonds, la justice n'a jamais enquêté sur le chemin qu'ils ont pris. Ça s'est noyé, ça s'est évaporé. Dans et c'est d'autant plus grave que c'est votre argent, c'est le mien aussi, c'est celui de tout le monde. Hein. C'est notre argent. Voilà, donc il y a forcément une contrepartie. Et donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai été très déçu par le procès. On ne connaît pas encore son issue, vous l'avez dit, ce sera le 9 juillet le délibéré. Mais on sait que de toute façon, ce seront les fraudeurs et pas les commanditaires. Alors c'est pas nul, hein. Il vaut mieux que s'il y a une fraude, qu'elle soit sanctionnée par la justice, mais on ne saura pas sans doute le fin mot de l'histoire, ou alors ce sera à la presse. Et c'est vrai que moi, comme journaliste, pardon, je poserai le stylo dans cette affaire, même si elle m'occupe peut-être un peu trop, le jour où j'aurai trouvé. Hein, c'est quand même ça le... La raison pour laquelle il y a eu cette justice privée et cet arbitrage. Dites-moi, le 9 avril dernier, à la fin du procès, lors de la plaidoirie de l'avocat Tapi, maître Hervé Thémine, c'est ça ? Hervé Thémine, pardon. Ouais. Certains de vos confrères se sont extasiés en disant... Le Figaro, notamment. Oui, qu'il avait livré un grand moment de défense et mis en pièce le dossier d'accusation. Vous êtes d'accord ou c'est une vie de l'esprit ? Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est vrai que le dernier jour, hein, alors c'est vrai que les confrères, je ne veux pas dire du mal des confrères, mais souvent, en dehors des journalistes de France Inter ou de Mediapart, les journalistes viennent le premier jour et le dernier jour, et entre les deux, ils font autre chose, ils s'en vont, ça ne les intéresse pas. Bref, alors que pour comprendre une affaire, il faut quand même en suivre les développements. Il s'est passé une chose spectaculaire pendant le procès, c'est que l'État était représenté par deux avocats. Mmh. J'ai écrit, et aucun de mes confrères ne m'a repris à l'époque, que les avocats de l'État ont reçu l'instruction venant du ministère des Finances de ne pas requérir, de ne pas plaider contre, sur les 6 prévenus, sur les 3 anciens hauts fonctionnaires. Stéphane Richard, directeur de cabinet, le patron de l'organisme public qui a été en négociation avec Tapi, plus un autre. Et donc, ils ont plaidé contre Tapi, contre son avocat Maître Lantourne. Et ensuite, quand ils ont parlé du reste de l'affaire, nous nous en remettons à la sagesse du tribunal. En clair, alors que toute l'affaire, c'est un scandale au cœur de l'État. Là, ça, c'est gommé. Il n'y a plus de scandale au cœur de l'État. C'est une petite escroquerie. Mmh. Et donc, du coup, c'est vrai que l'avocat de Tapi a eu la partie belle en disant, mais regardez, mes confrères qui défendent les intérêts de l'État n'ont pas dit qu'il y avait eu une escroquerie en bande organisée. Et donc, l'avocat de Tapi, qui par ailleurs est très bon, c'est vrai, mais les avocats de l'État lui ont mâché le travail. Et donc, il y a un mystère. Pourquoi un dernier... Enfin, on n'arrête pas d'avoir des mystères dans cette affaire. Pourquoi est-ce que l'État n'a pas voulu se battre. Parfois, on a le sentiment que il organise sa propre défaite. Je le dis là sur le plan pénal. Je pourrais le dire tout autant sur la mollesse de l'État dans le recouvrement de l'argent. Je veux dire, oui, parce qu'il y a ça aussi. Parce que quand vous dites l'État, il y a eu l'État pendant 5 ans dirigé par Nicolas Sarkozy et ses proches, ses collaborateurs, ceux qui étaient d'accord avec lui, qui travaillaient avec lui. Mais l'État après. Après, l'État Hollande, L'État Hollande. Alors d'abord Hollande, que se passe-t-il? Tapi touche son argent et le dépense. Comment rachète-t-il la Provence, par exemple? D'une manière assez spectaculaire, il envoie. C'est Tapi qui le dit un jour dans une émission. Tapi dit: j'ai envoyé un petit télégraphiste pour demander à Hollande ce qu'il pensait si je rachetais la Provence. En fait, le petit télégraphiste, c'était un ami très proche de Tapi qui s'appelle Claude Barthelone, qui à l'époque était président de l'Assemblée nationale. Et donc Barthelone va voir Hollande, et Hollande lui dit bien, banco. Alors que Montebourg défendait le rachat de la Provence par un autre. Donc Hollande a co-organisé le rachat de la Provence par Bernard Tapi. Et là... Pourquoi est-ce que... honnêtement, j'ai pas le... T'as pas la réponse. Non, je me suis posé des questions pendant le procès, parce que vous avez vu que Tapi a ouvert les portes de la Provence à des gilets jaunes. Il s'est dit, pourquoi pas une liste gilets jaunes et j'en serais le mentor. Et je me suis dit, est-ce que dans certains scénarios de la majorité, est-ce que certains ne jouent pas avec le feu dans l'espoir d'affaiblir le camp d'en face? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la position sur le principe, la position est invraisemblable. En clair, Bercy a demandé aux deux avocats de l'État de mettre à la poubelle 30 pages de leur conclusion. C'est ça qui s'est passé. Mmh. Et donc c'est très... Et du coup, Tapie était assez alors, tout malade qu'il soit, hein, mais assez rasséréné à la fin du procès, parce que ça a été le procès beaucoup moins violent qu'on ne le pensait. Parce que ce dont je vous parle, la contrepartie, est-ce qu'il y a eu une contrepartie? Ça n'a pas été posé. Et c'est pour ça que, pendant le procès. Que c'est biaisé, finalement. Oui, le fond de l'histoire, c'est que l'enjeu pour les avocats de l'État aurait dû être de dire il y a eu un donnant-donnant, il y a eu un échange. Et donc, les responsables de l'État, à l'époque, ont pris la responsabilité d'avantager Tapie. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça, et donc du coup, leur plaidoirie était faible, était déséquilibrée. L'histoire de Tapie se prolonge par un nouveau mystère, une opacité, et donc du coup, je ne sais pas quel sera l'épilogue. Alors c'est pas fini parce que il y a d'autres volets de l'histoire, hein. Parce que attendez, on a le volet commercial, on a au civil, on a au pénal. Il y en a un dernier, c'est le volet fiscal. Ah oui. Volet fiscal. Mais parce que dans une enquête de Mediapart, donc après mes livres, je l'ai documenté avec un autre confrère. On a établi de manière très méticuleuse, en publiant des échanges de mails entre Éric Woerth, ministre du budget Nicolas Sarkozy, Bernard Tapie, plus le directeur général des finances publiques, où on établit de manière très précise que Éric Woerth a décidé de baisser les impôts dus sur le montant de l'arbitrage à hauteur de 58 millions d'euros, un cadeau. Comme on a l'impression que ce pouvoir-là était vraiment redevable de Tapie. Ça nous renvoie à la question, mais pourquoi? Donc on ne peut pas exclure que... Alors ça, c'est toujours à l'instruction, devant le juge Tournaire. Il n'est pas impossible qu'un jour, le juge Tournaire se dessaisisse et oriente l'affaire vers la Cour de justice de la République pour éventuellement des manquements de la part du ministre et sans doute de certains de ses collaborateurs, parce qu'un autre était son directeur de cabinet très impliqué dans l'affaire, c'est l'actuel patron de l'INSEE. Donc l'affaire a des ramifications longues. Et Christine Lagarde, cette femme qui dirige le FMI quand même. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle est allée faire là-dedans? Qu'elle n'a pas eu forcément le choix, mais enfin bon, ou elle l'a eu, je ne sais pas. Ça interpelle quand même. J'avais été l'interpeller le jour de la conférence de presse qu'elle a tenue à Bercy pour annoncer sa candidature au FMI. Je venais juste de publier 3 jours avant un rapport de la Cour des comptes qui était secret, qui établissait les fautes qu'elle avait commises, les irrégularités. Alors, elle était dans une position, de courtisane en politique. Elle n'est pas responsable de quoi que ce soit, elle n'a pas de proximité avec Tapie. Elle le dit d'ailleurs, est-ce que j'ai une gueule à être proche, je ne me souviens plus de sa formule exacte, mais vous en souvenez, à être l'ami de Bernard Tapie. Non, elle n'a pas la gueule à être l'ami de Bernard Tapie, mais elle avait la gueule. Elle le considère comme un aventurier, quoi. Vous savez, les juges ont saisi chez elle un document qui est quasiment une déclaration d'amour à Sarkozy. « Je ferai tout ce que tu me demanderas », dit-elle. Étonnamment réponse. Donc, en fait, mais sa responsabilité, c'est qu'elle a quand même signé tous les actes conduisant à l'arbitrage. Et plus grave que ça, imaginons qu'elle ait été de bonne foi, qu'elle décide d'aller à l'arbitrage parce que c'est dans la vie des affaires, ça se fait. Ça ne se fait pas dans la vie publique, mais comme elle venait de la vie des affaires. Ce qui me semble gravissime de sa part, et ce pourquoi je ne comprends pas le fait qu'elle n'ait pas été condamnée, vous savez qu'elle a été condamnée mais dispensée de peine, c'est le fait que en novembre 2008, le premier arbitrage, la première sentence est connue, mais l'arbitrage juridiquement n'est pas fini. Il ne se clora qu'à la fin de l'année. Là, il y a une alerte. On sait que l'un des arbitres a manqué à son obligation d'indépendance. Donc la sentence principale était rendue, on savait qu'il en ça le portait sur 400 millions d'euros, et elle a détenu la possibilité juridique de faire annuler l'arbitrage, sachant qu'un arbitre, or elle ne l'a pas dit, elle l'a caché à l'Assemblée nationale, et donc du coup, je trouve l'histoire judiciaire qui la concerne est également assez stupéfiante, c'est qu'elle est totalement passée entre les gouttes. Merci infiniment, Laurent Mauduit, pour tous ces éclairages autour d'une affaire compliquée. J'espère que nous aurons contribué à la rendre auprès de nos auditeurs un peu plus lisible. Ce que je sais, c'est qu'on a bien pris la dimension de l'affaire. C'est une énorme affaire. Si je peux me permettre, souvent... Alors, juste 2 secondes. Nos confrères, souvent, parlent de l'homme. En fait, l'intérêt de l'affaire, c'est l'effet de miroir, ce que ça montre, des dysfonctionnements de notre démocratie. Absolument, mais évidemment. Merci, Laurent Mauduit. Merci infiniment. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Tapie Crédit Lyonnais, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, sur franceinter.fr. La technique aujourd'hui, il y avait Patrick Henry, merci.